Écoute et analyse. Tu sais maintenant qui je suis et tout ce que je représente. On est reconnaître, on est reconnaître. I grab the mic. Rien ne change, rien ne bouge. On est reconnaître.